ce qui est fait n'est plus à faire. À chaque bouchée, un goût amer. Pourquoi se perdre pour se reperdre? We'll be right back.